donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric. Bienvenue ici sur l'antenne de RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Et émission, vous pouvez l'écouter sur rigfm.fr et si vous êtes sur Bordeaux, sur le 90.7. Encore une nouvelle émission, c'est la 451e émission de Johnny de A à Z. Et ce soir, je vous propose une émission que je n'ai jamais faite auparavant, ou du moins dans cette formule-là. On va écouter Johnny Hallyday avec chantant, faisant des reprises de chansons originales, hein, bien entendu, et aussi des chansons qui ont été composées pour lui en français et qui après il les a interprétées en anglais, en espagnol, en italien et même en japonais, et j'ai oublié un, en allemand aussi, également, et en turc aussi, également. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que je vous propose encore ? Des fois, il y aura des titres qui vont être mixés. Il y aura du genre la version anglaise avec la version française chantée toutes les deux par Johnny Hallyday. Vous voyez pas du tout ce que ça peut donner? Ben, je vais donner un exemple avec du genre Parole al silenzio, la loi du silence. On va écouter la version italienne et la version française en même temps. Et pour faire encore plus simple, ça va donner ça. Bonne soirée à toutes et à tous. Solo me, un secondo eterno senza te. Pas l'humour, pas la culture, assez noir pour tout avenir, et des yeux qui ne savent pas mentir. Senza nulla da aggiungere, tutto si può vous avez eu un petit aperçu de ce que vous allez avoir toute la soirée, pratiquement toute la soirée. On aura quand même des versions originales tout court, hein. Mention d'une version française de Johnny Hallyday dans des chansons espagnole, italienne, allemande, turque ou à la rigueur anglaise. Et si on commençait, on va aller en progressif, hein, on va aller dans l'ordre chronologique, on va partir des années 60 pour arriver jusqu'à 2012, la dernière version connue jusqu'à présent que je connaisse, que Johnny a pu chanter, interpréter en anglais. On finira par L'Attente, ou si vous préférez, Better Man. En 1960, donc, Johnny est chez Vogue, signe chez Vogue, et puis donc, enregistre un album. Il avait fait Laisse les filles, donc en 1960, on a fêté le 61e anniversaire de ce 45 tours. Donc il y a une semaine de ça, et il y avait aussi, Johnny avait fait sur la chanson Laisse les filles la version anglaise qui s'appelait Not Get Out, car il pensait déjà s'affirmer sur le commerce anglo-saxon. Hein. Behind my one of those old time cars, she hits the ground, she hits my pals. Every time she sees us hanging on, well this is what you'll hear us say. Not get out. Yeah, knock it off, you're driving me fast. You and that bunch of Holland cats get lost. Trouble is, she just don't dig. The other night we were hopping the ball, the drink was like we were 10 feet tall. When in comes small like a rat squad, you think the rat cat's been a flat. Knock it off, yeah, knock it off, you're driving me fast. You and that bunch of Holland cats get lost. At least she just so square. Well, I've got a girl named Mary Louise. She's 5 feet two and treat us to please. When it comes to rocking, she can really neck it. But somehow, now can't seem to take it. Knock it off, yeah, knock it off, you driving the bat. You and that bunch of Holland cats get lost. One of these days I'm gonna he likes to bop. I thought my mom nearly dropped it when he holds the daisy. That's what he said. Let him rock, yeah, let him rock and let him roll. 'Cause one of these days it'll be too old, yes sir. And then, but it'll be too late. Yeah, then, but it'll be too late. Woo, yeah, then, but it'll be too late. La version anglaise est même plus rock que la version française. Nous sommes en 1961, en septembre exactement, et Johnny Hallyday, pour son premier Olympia, lance une nouvelle danse venue des USA, le twist. Son deuxième 45 tours vient danser le twist, atteint des scores fabuleux, donc chez Philips, hein, bien sûr, 1 million d'exemplaires vendus en mai 1962. Johnny enregistre 4 autres titres sous son troisième 45 tours intitulé Twist Wap Do Wap et Si Tu Me Téléphones, Tu Aimes le Twist, Twisting USA, qui sort en décembre 1961 à l'occasion de sa tournée d'hiver 61-62. En Allemagne, où il bénéficie depuis son arrivée chez Philips d'une distribution mondiale, il enregistre au studio de Berlin 2 titres, Wap Do Wap, Tu Aimes le Twist, qui sont réarrangés et joués par le groupe de Heinz Eilish dans des versions différentes, et de nombreuses télévisions permettent alors au public allemand de découvrir Johnny Hallyday. Voici tout de suite Yarder Elephant et Aber Nur mit mir. Ein Elefant? Ja! Wisst ihr aus der Hand? Ja! Hat ein dickes Fell? Ja! Ce sera la version allemande qu'on va écouter intégralement. Yarder Elephant, wisst ihr aus der Hand? Well, aber nein, ich tu das nicht, Baby, nein, ich kann das nicht, wie der Elefant. Aus der Hand. Well, denn er hat ein dickes Fell. Ich hätte mir eventuell schon den Mund verbrannt. Well, baby, baby, nein, nein, nein, oh, das ist mir zu riskant. Ich soll nach deiner Pfeife tanzen, heut und alle Zeit. Das schafft keine Macht der Welt. Ich werd kein Phantomheld, ja, der Elefant. zu riskant und das ist mir zu riskant. Ja, Der Elephant, ja, c'était Johnny. En allemand, non, on va pas écouter la seconde chanson qui devait être, je ne sais même plus, c'était, Ja, du mit mir, un truc comme ça, voilà. Non, non, ça, on l'aura pas. Chanson suivante. En février 1962, il embarque sur le paquebot France en direction de New York, et de là, il rejoindra Nashville. Du 17 au 20 février, il enregistre à Nashville au studio Bradley avec les anciens musiciens d'Elvis Presley. En mars, il est de retour à Paris, et le 20 avril sort Johnny Sings America Reconciled. C'est Hits, le 33 tours, qui paraîtra dans plusieurs pays, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Espagne, Grande-Bretagne, Hollande, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande, Pérou, USA. Et au mois de mai, Johnny Hallyday retourne aux États-Unis pour y entreprendre une tournée américaine qui passe par Baltimore, Washington, le Colorado, Chicago et New York. Il profitera de ce séjour pour enregistrer de nouveaux titres et plusieurs chansons seront enregistrées en anglais pour le marché américain et d'autres titres sont interprétés en français pour la rentrée 1962-1963. Voici le petit mix Hey Little Girl et le titre J'ai de la peine. J'ai trop de peine. Sur RG dans l'émission Johnny de A à Z. Hey little girl, come on over and take my hand and tell me is it love that you want or is this just a one night stand? Don't keep me guessing. Let me know what's on your mind. Hey, little girl. Tu m'écris ton amour. Tu dis que tu n'oublies pas. Mais tout ça n'est pas pareil pour moi. Quand je veux te serrer, te garder longtemps dans mes bras. Ce temps qui passe est vraiment trop long pour moi. On your mind, hey little girl. On aura des différences des fois de niveau de son car il y a des titres qui ont été retrouvés en 1993 sur l'intégrale guitare ou Johnny Hallyday Collection comme vous préférez. Donc on peut avoir des différences de son, soit des sons mono avec mixé avec des sons stéréo. C'est pas facile vraiment à arranger tout ça, mais des fois ça donne très très bien. Le résultat est correct et tout est correct. Ouais, là ça. Alors on a entendu une différence. Je sais pas si vous l'avez entendu. Moi je l'ai bien entendu. Nous sommes à présent en 1963 et le 10 octobre 1963 sort la bande originale du film D'où viens-tu Johnny, composé par Jean-Jacques Debout et Eddie Vartan. Ma guitare et Pour moi la vie va commencer vont être enregistrés dans plusieurs langues étrangères, italien, allemand. Seule la version anglaise restera inédite jusqu'en 1993. Et donc, on risque d'avoir des différences. On écoute donc les petits mix anglais-français. C'est parti. My guitar sings out a love song only when you're here. My guitar rings out the passion we share when you're near. And its song is like the fire flaming from a star. My guitar pleure ses accords loin de ton corps. Ma guitar joue en mineur sans ton rire moqueur. Elle chante la mort loin de ton corps. Ma guitar. guitar was born for dancing. When it plays for you and it says your eyes are happy, it sings happy too. Then its song is like a moonbeam shining from afar. My guitar, yeah, my guitar. I love. At last I know where I belong. It took some learning, but it's here. My heart keeps on returning. I'm gonna lead the life I love. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli. Foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. I love. Pour moi la vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays, sans méconnaître l'ennui, les années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. I'm gonna lead the life I love. I'm gonna lead. Vous écoutez RIG, la radio de June Hallyday, ici le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. RIG, la radio de June Hallyday. Et oui, pour l'émission Johnny de A à Z. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter June Hallyday en version, on va dire, étrangère, hein, italien, allemand, anglais, turc, japonais. Bon, ben, turc, il n'y aura qu'une chanson ce soir, et en japonais, il n'y en aura qu'une également. Et aussi June Hallyday, avec, qui faisant quelques apparitions en version française dans les différentes versions étrangères, bien entendu. Cette fois-ci, nous sommes en 1963, en novembre, et Johnny s'envole en compagnie de Sylvie Vartan pour un séjour à Acapulco et des nouvelles séances d'enregistrement à Nashville. Sylvie au studio RCA Victor pour deux albums et Johnny au Mercury Sound Studio sous la direction de Shelby Singleton. Il enregistre là plus d'une vingtaine de titres, accompagné par les musiciens des séances d'Elvis Presley, ceux-là même qui jouent sur le nouveau hit de, du King d'Elvis Presley, Devil in Disguise. Et la plupart de ces nouveaux titres sortiront en Super 45 Tours dès la rentrée 1964 ou seront réenregistrés sur leur base orchestre en français pour figurer sur le 33 tours Alléluia de 1965. Je vais vous proposer quatre titres. Ouais, oui, bah, mais même cinq d'entre eux qui sont enregistrés en anglais pour leur, dans leur première prise et seront totalement inédits jusqu'en 1993. Il y a I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You, interprété initialement par Elvis sur son premier album de 56 et traduit par Pleurer auprès de toi en 1965. Packing Up, titre original écrit par Margie Singleton, sort sous le titre J'abandonne mes amours, que Johnny présente en nouveauté avec Joey The Showman à l'Olympia en 1964. Il y aura aussi Such a Night également, hein, qui est une célèbre interprétation de Elvis Presley, avec sous le titre donc de Oh cette nuit par Johnny. Il y aura le titre The Move qu'on a écouté la semaine dernière, mais on va réécouter ça aujourd'hui. Et puis il y a encore I Forgot to Forget to Remember, encore un standard de Elvis Presley. Et il y aura aussi Just a Little More Time, hein, juste un peu de temps, et tout ça, voilà, c'est maintenant, et sur l'antenne de RIG. Hep, il y aura quatre versions français, anglais et français, et The Move sera uniquement en version anglaise. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. Je devrais plus fort encore Si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je serai là pour pleurer auprès de toi. Well, I'm gonna tell my mama, tell my papa too. Well, so they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna see you at dawn and cry over you. J'aimerais plus fort encore à chaque fois. Je te trouverai plus fort encore au fond de moi. Et si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je serai là pour pleurer auprès de toi. Well, I'm gonna tell my mama, well, tell my papa too. Oh, so they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even cry, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. Mr. Mailman, take my good news. Tell her I'm coming home real soon. I'm writing to you this letter to let you know I'm coming home. I'm packing up all of my love and my kisses, 'cause I'm tired of being alone. I'm packing up all of my love, packing up all of my kisses too. I'm gonna take my heart out of storage, babe, and I'm bringing it home to you. J'ai reçu cette lettre, j'en ai pleuré, j'entendais ta voix. Oh, oh, bientôt je serai là, entre tes bras, et je ne vis plus que pour cela. Oui, j'abandonne tous mes amours, j'abandonne toutes mes joies aussi, et je reprends mes restes vieux tralala, et dans le soleil je reviens vers toi. Yeah. Packing up all of my love, packing up all of my kisses too. Gonna take my heart out of storage, babe, and I'm bringing it home to you. I'm gonna take my heart out of storage, babe, and I'm bringing it home to you. I'm gonna take my heart out of storage, babe, and I'm bringing it home to you. I'm gonna take my heart. I was sitting in a corner not knowing what to do. Just combing my hair and tying my shoe. When along came the chick, she said, don't be a square, there's a new dance out that I want you to, it's called a move. She said, it's such an easy dance, whoa, whoa, yeah. That's not a thing to know, whoa, whoa, yeah. You've got to move and let, whoa, whoa, yeah. Your imagination go, whoa, whoa, yeah. But I'll sit there in the corner, tying your shoe, acting like a squirrel with nothing to do, when all you've got to do is move, whoa, move, and let's whoa, move, go, whoa, whoa, yeah. Oh, yeah. Whoa. Whoa. Now you can stand up straight, whoa, whoa, yeah. Or even watch your back, whoa, yeah. Well, you can jump up and down, whoa, whoa, yeah. And shake your sack real yak, whoa, whoa, yeah. Well, you can shimmy to the front, shimmy to the rear. All you gotta do is put your body in gear, and then you're about to do the move. It's a move now. Whoa, move. I'm here to move. Whoa, yeah, move. Whoa, move. that you can't move. Oh yeah, you don't need me no more. Oh, oh no, so I'm not gonna leave ya. Oh, oh yeah, I'm going on a tour. Oh, oh yeah, and find me people like you who don't know what to do, sitting in a corner just tying their shoe, and teach them how to do the move. Oh, let the yard go. Entre tout de suite, Johnny Hallyday, version anglaise et version française de Such a Night ou Quelle Nuit, tout de suite sur Antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. It was a night, oh what a night, it was a truly was such a night. Well, the moon was bright, oh bright it was, it truly was such a night. Well, the night was light, with the stars above. Who? She kissed me, I had to fall in love. Ah, elle m'embrassait pour des baisers, c'était réellement à des baisers. Quel art d'embrasser, elle avait, c'était oui, croyez-moi, des baisers. Retoucher de ses lèvres, je m'enflammais. Ah, ce souvenir me rend fou de désir. But I give my heart to her. Oh, well, I remember, I'll always remember. Ah, cette nuit, pour une nuit, c'était réellement une nuit. Mais le jour a repris cet amour et la nuit aussi. Je n'oublierai pas ces baisers donnés sous la lune. Je m'en rappelle qu'elle était belle. Oh, what a night, oh, what a night, it was true, such a night. When we kissed, I had to fall in love. Et j'offrais mon cœur car je voulais me rendre. C'était si tendre, faut me comprendre. Oh, what a night, oh, what a night, it was true, such a night. When we kiss, I had to fall in love. Elle n'est plus, non, non. Elle n'est plus, non, non. Le jour s'est levé, l'amour envolé. But before that dawn, yes, before that dawn. And before that dawn, oh, oh, oh, oh, yeah. Such a night. I forgot to remember to forget her. I can't seem to get her off my mind. I thought that she was different, but I find out somehow. I think about her almost all the time. she went away. I made myself a promise that I'd soon forget we'd ever met. But something sure is wrong, 'cause I'm so blue and lonely. I forgot to remember to forget. Just one date with me, one gave you a chance to see the love that's bitter in this heart of mine. But if you let me try again, girl, I'd show you then. Well, all I need is you, just a little more time, just a little more time, and it won't take you long. Just a little more time, I think you've got me wrong. Just a little more time, I'll make you understand. Just a little more time, I want to be your man. Mais si ce rendez-vous est le dernier pour nous, comment te prouver de bonne foi mon amour pour toi? Sans doute je suis maladroit pour t'avouer tout cela, alors écoute-moi encore une fois. Oui, donne-moi un peu de temps, le temps que mes 20 ans accrochent le temps. Oui, juste un peu de temps, donne-moi un peu de temps, le temps d'une prière pour que ton amour en mon amour espère. Now you say I can call you again, you'd rather just be my friend. But if you'd be my girl for a while, I could change your mind. Oui, je saurais me faire aimer si ta confiance veut m'accorder rien qu'un peu de temps, un peu de temps. Oui, donne-moi un peu de temps, le temps que mes 20 ans accrochent de 20 ans. Oui, juste un peu de temps. Just a little more time, I'll make you understand. Just a little more time, I want to be your man. Just one more time, just a little more time, and it won't take long. Just a little more time, I think you've got me wrong. Just a little more. Johnny et les années 60. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien. J'ai confiance. Nous sommes en 1964. Johnny Hallyday est incorporé au 43e régiment d'infanterie de marine à Offenbourg en Allemagne. Et en octobre 64, le pénitencier, enregistré à l'occasion de sa première permission, est un succès phénoménal. Les mauvais garçons, original écrit par Ralph Bernett et créé après une discussion en Camargue dans la loge de maquillage de Johnny, constitue un virage vers des textes plus durs et plus rock. Et en novembre 64, il enregistre ses deux versions en version allemande, ses deux titres en version allemande, sur des bases orchestrales d'Eddie Vartan. On va écouter Le Pénitencier, hein, c'était Das Althaus in New Orleans. Je ne sais pas parler allemand, hein. Et après nous avons Wild Boys, Les Mauvais Garçons, en version allemande et version française. Sur le de RG dans l'émission Johnny de A à Z. Das alte Haus in New Orleans kennt keinen Sonnenschein. Nur der arme, wollte ständiger Gast bei uns zu Hause sein. Mein Vater war auch Atlanta, New Orleans. Le soleil n'est pas fait pour nous, c'est la nuit qu'on peut tricher. À demain, tu peux Boys. Nous sommes à présent en 1965 et la mode musicale des groupes anglais, menée principalement par les Beatles, explose dans le monde entier et inspirée des productions d'Alma Motown, des bluesmen américains et d'harmonie vocale empruntée à Buddy Holly et aux Everly Brothers. Johnny, sensible à ce renouveau, enregistre durant ses permissions Un ami, ça n'a pas de prix, rock'n'roll musique, on a ses jours, tu ne me verras pas pleurer, juste un peu de temps, utilisant de nouvelles techniques, des voix doublées, des re-recordings et des harmonies vocales avec les Lionceaux. En Allemagne, accompagné par le groupe allemand The Rattles, il enregistre au studio Philips de Cologne une reprise de Del Shannon, Keep Searching, traduit en allemand par Lass die Leute doch reden, interprété dans le plus pur style de Liverpool. On écoute ça tout de suite sur le temps du RG, dans l'émission Johnny de A à Z. Mein Baby ce sera la dernière interprétation d'un titre de Johnny Hallyday en allemand. Nous sommes toujours en 1965 et Johnny reprend pour le marché turc deux titres tirés de son dernier album Johnny chante Hallyday. Un titre mi-turc, mi-français, enfin du moins deux titres mi-turc, mi-français avec Mon anneau d'or et Ne joue pas ce jeu-là. Et c'est ce dernier, Ne joue pas ce jeu-là, que je vous propose d'écouter tout de suite. Et oui, il n'y a même pas besoin de faire un montage parce que le montage est déjà fait. Yeşil gözleri için sen, hiç kavgaya demez bilsen, gel arkadaş bir olalım, sana başka kız bulalım. Je vois dans le fond de tes yeux briller un éclair dangereux, entouré de tous tes copains, tu viens me barrer le chemin. Demain chemin, écarte-toi. Ne joue ouais, j'aurais dû mettre une version de meilleure qualité, tout à fait, je viens de me rendre compte à l'instant. Bref, trois ans plus tard, nous sommes en 1968 et l'année 68 est occupée par de nombreuses tournées à l'étranger, Amérique du Sud, Italie, Espagne, Sud, et aussi des sessions d'enregistrement à Londres pour la sortie de deux albums Jeune Homme en juin 68 et Rêve et Amour en octobre 68. Mickey Jones et Tommy Brown vont travailler sur de nouveaux sons mélangeant le psychédélisme et le symphonisme. Au pays des aveugles, je n'ai pas voulu croire quand on sifflait et surtout Fumée sont l'exemple de cette nouvelle couleur musicale. Fumée sort en simple en janvier 1969. Smoke Covers My Eyes a été enregistré pour sortir dans une version anglaise du 33 tours Rêve et Amour. Il n'a été diffusé qu'une seule fois dans l'émission Salut les copains le 21 juin 1968. Nous sommes à présent en 1970 et en 1970 sort le 45 tours en italien Quando l'amore non si andrà e senza amore. Autrement dit, hein, ce que l'amour a blessé, la marche militaire écossaise est en effet composée par Jean Renard, Jean-Claude Vanier, arrangeur et chef d'orchestre, et improvise celui-ci en studio une intro jouée à la flûte traversière inspirée de Ian Anderson, leader de Jethro Tull. Et senza amore, sans amour en face B, est une création originale italienne sortie uniquement dans ce pays et arrangé par Jacques Dangean, que je vous propose d'écouter tout de suite dans l'émission Johnny 2 à Z. Because argento per te. Ho abbandonato il sogno, ho bisogno di te. Cerco le tue mani tese verso me. Cerco la tua voce, cerco, cerco ancora te. Durant l'été 1970, la tournée de Johnny Hallyday bat tous les records d'entrée. Appuyée par ses récents tubes, Jésus-Christ, Que je t'aime, On me recherche, Ce que l'amour a blessé. Et en juillet, il enregistre au studio Philips de Milan une nouvelle création pour sa venue à la télévision, Domenica Domani, et composée par Paolo Conte, qui sera découvert en France à la fin des années 80. Grazie al grigio fiume che ignorato per lo più oggi vede intorno a sé tanta gente allora dà il suo spettacolo di serenità. Grazie a quelli che stan lì tra le ombre di un caffè, grazie all'uomo buono che coi suoi figli giocherà. Sarà una domenica tutta giusta, sì, una domenica. Eccomi tra le tue braccia facili, cantami le tue canzoni inutili, prendimi col sole, con le nuvole, prendimi. Sei con me per la mia felicità, fiore della mia città, che ho rubato apposta i suoi giardini pubblici per un attimo. Oh, grazie a te che non sei qui per la mia infelicità, e non mi chiedi e non mi dai le parole che vorrei non aver detto mai. Attimo, o mille attimi da sorridere. Eccomi tra le tue braccia facili, cantami le tue canzoni inutili. vous aimez Johnny Hallyday en chanté en italien? Oui. Ben vous en aurez encore tout à l'heure quelques titres. À l'instant, Senza Amore et Domenica Domani. Je répète, ce sont uniquement des créations originales italiennes, donc pas de version française pour ces titres-là. On va retrouver Johnny Hallyday en 1971, en mars et en avril 71. Johnny retourne au studio Olympique pour l'enregistrement de Flagrant Délit, entièrement écrit par Philippe Labro. Et pour ces sessions, il est entouré de musiciens prestigieux. Et le premier simple extrait de cet album, c'est Hommage Jolie Sarah, qui va être le tube de l'été 71. La version anglaise Gentle Sarah sera enregistrée en 16 pistes en juin 71 et mixée au studio Gang par Jean-Pierre Janiot en février 1992 pour la préparation de l'intégrale guitare de 1993. Ce sera uniquement que la version anglaise, car le montage n'était pas bon pour la version française, le mix version française, version anglaise. Voici Gentle Sarah sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Give your love to me. Vous écoutez Ériger, la radio de Johnny Hallyday, ici, ici dans l'émission Johnny de A à Z. On va partir du côté du Japon en juillet 1973. Johnny, en compagnie de Sylvie Vartan, séjourne au Japon à l'occasion d'un voyage promotionnel autour de leur duo « J'ai un problème ». « Que je t'aime », chanté en japonais, sort en version stéréo sur plusieurs compilations japonaises. Et là, il n'y a pas de montage non plus. Pas de montage, non, non, non, c'était pas bon, c'était pas bon. Ce soir, dans l'émission de Johnny de A à Z, on retrouve Johnny Hallyday et les versions étrangères en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, en turc et à l'instant en japonais. Ce sera la seule mouture que Johnny aura fait en japonais et en phonétique, bien entendu. Et puis, on va retrouver au cours de cette soirée des versions étrangères avec un petit morceau de version française. Ce sera le cas de la prochaine chanson qui sera Hey Lovely Lady en 1975 parce que en prévision d'une tournée en Espagne et de la retransmission d'un concert spécial TV à Madrid, Hey Lovely Lady est enregistré sur les bases orchestre de Nashville. La face B permet de retrouver la ballade Quand revient la nuit, interprétée en 1965, repris ici avec le texte original de Bobby Vitton. Et peut-être qu'on retrouvera ça, ce titre-là, lors d'une prochaine émission, si ça vous a plu. Allez, on écoute tout de suite Hey Lovely Lady, version anglaise avec la version française. crazy with your smile. Hey, lovely lady, you got me hazy when you're on the street. Oui, trop pour m'aimer. Hey, lovely lady, tu mets dans mes nuits le ciel d'été. Everything about you is a dream that I can see. Visions of me walking in love and introducing your sweet. Quand je vois, ah, ah, ah. Quand tu me dis oui que tu m'aimes, je sais que tu mens, mais je te garde quand même. Would you go with me? Hey, lovely lady, could I take you with me? You look so good. Le 23 avril, le 25 et 26 mai 1975, Johnny enregistre au studio Sonic de Milan et au studio Workshop A2Say2, adaptation de Stuck on You et repris en français sous le titre Comme un fou sur le 33 tours Rock à Memphis. Obisogno est une ballade country originale de Michel Mallory, figurant sur l'album Insolitude en 73. Prendimi, Prends ma vie est l'une des plus belles réussites, tant par le sens inné de la mélodie des auteurs italiens que par les qualités d'enregistrement des grands orgues de la basilique Sacro Cuore di Maria de Rome. Ce sera le titre et Obisogno que nous allons écouter tout de suite, et les A2Say2 et Prendimi, peut-être qu'on les écoutera ultérieurement, hein. Sappia dirmi perché sei andata, m'hai lasciato così. Un amico cos'è? Un sorriso che dà una spinta a tirarti un po' su. Je suis seul. Je ne suis qu'un passant, un visage sans nom parmi les indifférents. J'ai besoin d'un ami qui saurait m'écouter pour m'aider à oublier le passé. En En 1976, Johnny Hallyday, Il Italiano, sort en mai uniquement en Italie et réunit plusieurs titres entre 1969 et 1976. Cet album est très vite recherché par bon nombre de collectionneurs. Johnny, pendant 5 ans, ne chante plus, n'adapte plus moins de titres, jusqu'en 1981, où en janvier 81, il enregistre pour la première fois au studio Factory à Londres. Son choix s'est porté sur l'adaptation d'un titre de Bob Seger, Brave Strangers, Deux étrangers, et traduit par Michel Mallory, et sort son album en pièces détachées. Just wait. En septembre 1981, retour dans les mêmes studios pour les sessions de l'album Pas Facile. Ain't Much Fun devient le rock'n'roll, c'est comme ça. Et au studio Factory, Andy McKay réalise quatre titres qui resteront inédits jusqu'en 93. Trouble Boys de Dave Edmunds, Brave Strangers, Ain't Much Fun et How Wrong Can You Be. On écoute tout de suite le rock'n'roll, c'est comme ça, jumelé avec Ain't Much Fun. That I had in the city. Well, Ma said okay, but my dad still thinks it's a pity. Passing, fighting, rocking and riding. He said a paycheck on a Friday. That's a lot better than my day. And much fun for a rock and roll singer now. Well, il y avait tout. Quelque part ouvert toute la nuit. Et quelques belles bagarres où on se fait toujours des tas d'amis. Rien n'a changé, rien n'est fini. Et une fille toutes les nuits. Et puis la musique elle écrit. Aujourd'hui, rock'n'roll c'est comme ça. Sur la scène, on embarquait les filles les plus belles dans nos caisses américaines. Les titres remixés pour la guitare de 1993, vous préférez Johnny Hallyday Collection, réalisés et remixés par Jean-Pierre Janiot, ont été de très bonne qualité. Nous sommes à la fin 1981. Johnny choisit Pierre Billon pour s'occuper de sa carrière artistique chez Philips Phonogram. Et la première réalisation de ce dernier est l'adaptation en espagnol des anciens succès destinés à appuyer une nouvelle tournée en Amérique du Sud où Johnny est une star très importante depuis 1967. Les sessions ont lieu au studio des Dames en octobre 81. Les arrangements sont confiés au chef d'orchestre Gérard Loubet qui modernise ses nouvelles versions ou utilise les anciens playback orchestres. Noir c'est noir de Swansea est ainsi transformé. Ave Maria de Schubert est proche de la version italienne. D'Estrada la mort derrière l'amour, Gabriella. Requiem por un loco. Me olvidé de vivir. El penal, la musica que amo. Yo te amo, que je t'aime, bien sûr. Tessigo Fiel, toujours le même, complète cet album Black S Noir qui sort en juin 1982 en Espagne, au Paraguay, en Argentine, en Colombie, au Pérou, au Venezuela. Il donne de nombreux concerts et fait aussi quelques télés avec Tessigo Fiel, Black S Noir et Ave Maria. On va écouter dans quelques instants en version française et version espagnole Requiem por un loco, Tessigo Fiel et Black S Black et aussi donc version espagnole uniquement Ave Maria. Tout ça c'est pour vous, c'est dans l'émission Johnny de A à Z, Johnny et les versions étrangères et françaises. Mmh. che na diede ni un passo mas o no verrà da per el sol no è so allá de promea sabéis que soy buen tirador bajad la boca del fusil haced callar el altavoz sin ella no saldré de aquí y ya no. Dites au curé, dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonne et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit à l'aube, je vous donnerai ma vie. Te olvidé ta veste me quedaré. Eterna juventud. Oh, me voilà, la vie ne m'a pas calmé. Il n'y a que toi qui puisse m'apprivoiser. J'ai brisé toutes les cages dorées où elle voulait m'en. Aujourd'hui, dans cette émission Johnny de A à Z, on écoute Johnny Hallyday et les versions étrangères mélangées des fois avec des versions françaises. Voici tout de suite, version uniquement italienne, voici espagnole, voici Ave Maria. Ave, Ave Maria. Queda esta plegaria. En el silencio de la iglesia imagino que todos se fijan en mí. ¿Quién es? ¿Qué hace que busca ese hombre al pie del altar? El valor de su amor. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire au gris de l'ennui et je te crie oh, oh, oh, je ferai tout pour sauver notre amour tout jusqu'au bout. Tengo que saber por qué me dijiste adiós. Voilà un petit montage fait maison, je précise, hein, tous les montages que vous entendez, version étrangère, version française, c'est fait à la maison. Voilà, on va dire un petit morceau qui n'a en gros aucun défaut. Voilà. Nous sommes à présent en 1984, Phonogramme essaiera d'imposer le format 33 tours, 6 titres. John Hallyday en VO, enregistré au studio Emporium de Nashville et sorti en novembre 83, va connaître, malgré ses qualités, une carrière discrète. On va écouter de ce 33 tours... 6 titres, hein. 2 titres, You Make Me Believe in Love Again, chanson pour ceux qui s'aiment, hein, et Ain't No Stopping Now, Laissez-les de ma vie, version originale, enfin du moins version anglaise et version française. As I sit here in this room, I think of you and all the times that we had nothing to do. Making love when we light, we turn days into nights, and you made me believe in love again. C'est pour ceux qui s'aiment à retard, c'est une absence. Pour ceux qui s'aiment, la colère devient silence. Ceux qui s'aiment ont les nuits, ils oublient leur défaite. C'est l'amour qui guérit ceux qui s'aiment. There's only one way to be young in your heart. Love for today. Making love when we like. in love again. Ce n'est que 25 ans plus tard, en 2007, que Johnny chante à nouveau en langue italienne et espagnole des adaptations de La Loi du Silence et Always, extrait de l'album Le Cœur d'un Homme, Parole al Silencio et Siempre. Et en décembre 2018, la page officielle de Johnny Hallyday sur YouTube remet en avant d'anciens titres de l'artiste. Les fans ont ainsi été surpris de découvrir Johnny chanter en italien et en espagnol. Tiens, comme par hasard. Oh, oh, vite. Et on peut en effet découvrir les chansons Parole al Silencio et Siempre, des versions originale dans d'autres langues tirées de l'album Le Cœur d'un Homme sorti en 2007. Et on écoutera après aussi également Serbatana, hein, adaptation du titre original de Francis Cabrel, Sarbacane, avec la même bande son sur l'album Le Cœur d'un Homme. Johnny l'interprète en duo avec Loquillo en bonus pour le marché espagnol. Tiens, Parole al Silencio, je l'avais diffusé en ouverture de cette émission. Eh bien, vous savez quoi? On va la réécouter car le montage est plutôt bien fait. A suivi de Siempre et après Serbatana. Et après, on se quittera pour la chanson qui sera Better Man, soit l'attente. sa tête. Pas l'humour, pas la culture, assez noir pour tout avenir, et des yeux qui ne savent pas mentir. Vidas vos dias. Después de la vida seguir así. En el amor lo sé todo. Mil recuerdos y en el corazón terciopelo. Entonces llegas tu mujer con el soplo de una cerbatana y el cielo tiene otro color contigo. Les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours. Pendu à mon cou comme une liane, comme le roseau de la sarbacane. Le ciel s'est ouvert par endroits depuis toi. En 2012, suite à la question posée d'un journaliste du Parisien à Johnny,

Ainsi achève cette émission spéciale version étrangère et version française. Toutes les petits duos et les petits mix que vous avez entendus, c'était fait maison. Voilà, fait par moi-même. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à l'EDN. Je remercie toutes et tous d'avoir écouté et participé à cette émission. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. À bientôt, à toutes et à tous. Ciao, ciao!